Chapitre 25e. Le cottage sur la route de Camelot à Sainte-Colombe est fermé. La tante Jolie a la clé. Elle vient de temps en temps donner de l'air et voir si le mobilier n'est pas mangé au vert. Les habitants de Camelot sont généralement persuadés que le caractère diabolique de Madame Peters a fini par lasser la patience de Mark et que la rupture entre eux est définitive. Ils imaginent aussi qu'un joli visage suffit pour réussir au théâtre et que Madame Peters, grâce à ses sourires provoquants, va faire salle pleine tous les soirs à Drury Lane. Tel qui brille à Camelot peut bien prétendre briller sur un plus grand théâtre. Bref, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'on ne sait rien. Mark se fait chaque jour plus rare à la taverne des Armes du Roi, mais une fois, en passant dans la porte, ses deux anciens amis, Nichols et Didcot, lui font un salut si amical qu'il revient sur ses pas et entre. « Expliquez-nous donc pourquoi on ne vous voit plus ici comme dans le bon vieux temps, » dit Nichols à Mark. « J'ai fort à travailler, » reprend-il. « Aussitôt ma besogne finie, je pars pour Penrith Place. »« Comment va le squire ?»« C'est à Didcot plutôt qu'à moi qu'il faut le demander, » riposte Mark. « Didcot ne parle jamais de ses malades, » repartit le vétérinaire. « Moi, c'est tout le contraire. »« Je crois que mon frère a un rhume avec un peu de fièvre, voilà tout. N'est-il pas vrai, Didcot ?» Je ne doute pas qu'il ne se remette promptement de cette maladie-là. Cette maladie-là. Croyez-vous donc qu'il en est 36, le pauvre homme? Il est vigoureux comme un cheval. C'est-à-dire comme un cheval devrait l'être, car d'après l'expérience personnelle que j'ai acquise, je considère le cheval comme la créature la plus délicate du règne animal. Oui, votre frère semble avoir une constitution puissante, mais je le trouve très absorbé depuis quelque temps. N'êtes-vous pas de mon avis? J'en ai été frappé également. Mais je n'attribue pas ses dispositions d'esprit à son état de santé. Qu'est-ce que cela peut être? Je ne saurais rien affirmer. Cependant, je crois que la préoccupation de sa jeune femme l'attriste. Elle est douce, charmante, réservée, mais avec sa pénétration, il doit voir qu'elle n'a pas l'air heureux. Plus vous aimez un oiseau, plus vous souffrez de le voir frapper du bec contre les barreaux de sa cage. Madame Penrith ferait mieux de jouir du présent, car si c'est ce que l'avenir lui réserve, dit-il en secouant la tête. « Mais mon frère est jeune encore. Votre père est mort de la force de l'âge. » « Oui, et d'une maladie de cœur dont je puis avoir le germe tout aussi bien que Vivien. Il n'y a pas de danger pour vous. Si tout le monde était fait sur votre modèle, les médecins mourraient de faim, ce qui serait pour nous tous une bien pitoyable maladie. Vivien a l'air beaucoup plus robuste que moi. Rien n'est plus trompeur que les apparences. » J'ai la conviction, d'après certains symptômes que j'ai observés chez M. Penrith, qu'il est destiné à mourir comme votre père, et cela dans un délai peut-être prochain, 6 mois, 1 an. Pauvre Vivien, moi qui lui croyais une si bonne santé. Mais après tout, la science n'est pas infaillible, et j'espère encore que Vivien donnera tort à vos pronostics. Pourvu qu'il ne lègue pas sa jeune femme, ses biens et son château, je ne le pense pas. Car grâce à la donation magnifique que Vivien a faite à sa femme par contrat de mariage, elle est déjà en possession d'une véritable fortune. Que ferez-vous quand vous serez propriétaire de Penrith Place? Cette parole fit faire à la pensée de Mark un saut de quelques années. J'aurai une écurie et une meute, des chasses à cour où j'inviterai tout le pays. Mais Dieu m'est témoin que loin de souhaiter la mort de Vivien, je fais les vœux les plus ardents pour qu'il vive de longues années. Mark prononce ces mots avec une sincérité réelle, mais il lui tarde néanmoins de se trouver en tête-à-tête avec Mariette. Il part en proie à une idée fixe qu'il a besoin de communiquer à quelqu'un. Il arrive tard à Penrith Place, il se rend directement dans la chambre de Vivien. Madame Maurice est installée près de la cheminée, les deux bras croisés et les pieds allongés sur un coussin, songeant en regardant les cendres. Les rideaux du lit sont baissés pour protéger le dormeur contre la lumière de la veilleuse. « Endormi ?» demande tout bas Mark à Mariette. La fidèle garde-malade fait un signe affirmatif. Mark la prend par la main et tous les deux sortent de la chambre sur la pointe des pieds. Mariette pâlit en se demandant ce qu'il peut avoir à lui dire. « J'ai vu Didcot aujourd'hui. Il ne pense pas que Vivien puisse aller loin. Dans quelques mois, 1 an tout au plus, vous régnerez ici en souveraine maîtresse. » À moins que Vivien ne fasse un testament en faveur de sa femme. Ce n'est pas à craindre. Tant que je suis ici, toute chance est perdue pour elle. Comment pourriez-vous l'en empêcher? Comment pourriez-vous vous y prendre? En racontant simplement à votre frère la visite du Major Leland à Madame Penrith, et en lui disant qu'il est établi à Rockport. Le séjour de Cornouailles lui est-il interdit ? Je crois que votre frère goûterait peu ce voisinage. Bref, je suis très tranquille maintenant. Mais dites-moi, cette maladie fait donc de bien rapides progrès ? D'un moment à l'autre, Vivien peut mourir subitement. D'un moment à l'autre, vous pouvez passer du rôle de servante à celui de maîtresse. Mais tout le monde vous reconnaîtra. Quel coup de théâtre ! Y pensez-vous, Mariette ? Très souvent. J'ai tout un plan dans la tête pour le jour du dénouement. Ah ! Je sais que vous avez une cheville pour tous les trous. Mais parfois les trous cachent des gouffres, où le cavalier et le cheval disparaissent à jamais. Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, Mariette. Grâce au traitement prescrit par Didcot, Vivien se rétablit promptement et Madame Maurice fut relevée de sa garde. Pourtant, tout le monde s'aperçut que le squire avait bien changé pendant sa maladie, et chacun commentait le changement à sa façon. En vain, les chevaux hennissaient-ils d'ennui dans leur box. Le squire ne les montait plus. En vain, les constructions nouvelles s'élevaient-elles. Le squire ne les visitait plus. Attendant une mort prochaine, la vie n'avait plus d'intérêt pour lui. « Qu'il est dur, se disait-il, de quitter la terre que l'on aime et la femme que l'on adore. » Il s'enfermait chez lui, parcourait les journaux, mais n'y prenait aucun plaisir. Une idée fixe s'était emparée de lui et rien ne pouvait la dominer. De temps à autre, ses sourcils se rapprochaient et il s'écriait en regardant le feu d'un air pensif « Tôt ou tard ». Le balancier de l'horloge, les cendres qui tombent dans l'âtre, le soupir du vent, semblaient répéter avec lui « Tôt ou tard ». Il se décide enfin à faire son testament et envoie chercher à Camelot un homme de loi qu'il connaît de longue date. Après avoir causé quelque temps avec lui et obtenu les explications qu'il désire, il prend du papier, une plume et rédige ses dernières volontés. Il laisse ses terres et le château à Marc, les ardoisières à Prissy, des rentes viagères à de vieux domestiques, et enfin tous les diamants de la famille à sa femme, à laquelle il confirme de nouveau ses droits pour elle et ses héritiers sur la terre dont il lui a fait donation. Prissy s'était empressée de raconter à son frère la visite qu'avait reçue Barbara. Vivien a écouté ce récit la tête à moitié cachée dans une de ses mains. Il sait aussi que le major Leland s'est établi dans le voisinage et que monté sur un cheval magnifique, à l'œil vif et plein de feu, il fait dans le paysage un effet fantastique. Pourquoi le nom du major Leland, se demande-t-il à lui-même, est-il comme un fer rouge qui me traverse le cœur? Dans un an, je serai couché dans mon tombeau. Dans deux, selon toute apparence, ils seront mariés. Du reste, je suis convaincu que Barbara aura pour ma mémoire tout le respect désirable. Sa conduite passée m'est le meilleur garant de sa conduite à venir. Lorsque son testament fut fait, cacheté et enfermé dans un coffre-fort, Vivien chercha à s'habituer à l'idée que Mark serait bientôt propriétaire de la terre de Penrith Place. Celui-ci revenait chaque jour dîner au château et passait ses soirées en famille, avec un splendide épagneul endormi à ses pieds. Barbara lisait tout haut les journaux au squire, à demi couché dans un fauteuil, et Prissy, absorbée dans une interminable tapisserie à points comptés, piquait et cirait son aiguille enfilée de laine. Mark, qui ne prenait pas un intérêt très soutenu à la lecture du journal, soupirait après quelqu'un qui eût bien voulu faire avec lui une partie de bésigue, de tric-trac ou de billard. Mais n'ayant aucune de ces distractions, il tirait les oreilles de son épagneul et bâillait à se luxer la mâchoire derrière une des feuilles du Times. Le major Leland est toujours à Rockport. Les derniers touristes ont quitté le village et il reste seul dans l'auberge déserte. Il se reproche le temps perdu, mais n'ayant au cœur aucun dessein, aucune espérance coupable, il ne peut renoncer à la satisfaction de vivre dans le voisinage de Barbara.